De retour à Futur Simple sur CKRL au 89.1. Alors, est-ce que le son de la musique que vous venez d'entendre était de bonne qualité? Notre chroniqueuse Clémence Sirot s'est posé la question. Sommes-nous en train de perdre la qualité du son? Parce qu'effectivement, avec les appareils bon marché comme les baladeurs ou le téléphone cellulaire, on peut se poser la question de la qualité du son de ces appareils-là. Donc, est-ce que le grand public, finalement, a toujours accès à un son de bonne qualité? Donc, Clémence Sirot qui s'est posé cette question. Nous a préparé un reportage. On écoute ce reportage. Du vinyle au MP3, en passant par la cassette ou le CD, les appareils électroniques n'ont pas cessé de progresser. Et pourtant, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais la qualité du son, elle, a régressé. Christophe Rio est ingénieur du son à France Télévisions. Pour lui, la qualité du son n'est pas aussi importante qu'avant. Aujourd'hui, l'utilisateur préfère transporter des centaines de morceaux de musique, quitte à ce que ce soit de moins bonne qualité. Ce qui se passe actuellement, moi je dirais dans le domaine du son, c'est qu'on pourrait, si on souhaitait avoir un son de très bonne qualité, mais on privilégie la quantité à la qualité. C'est-à-dire qu'on est parti vers la compression à outrance, hein, avec tout ce qui a été les systèmes MP3, maintenant il y a d'autres types de compression. Mais au lieu d'avoir un son de qualité, on a essayé de le compresser au maximum pour gagner en capacité. Cette perte de la qualité du son s'est particulièrement accentuée avec l'avènement de la télévision. La technologie s'est alors concentrée sur l'image plutôt que sur le son. Mais si pour le grand public, ce phénomène n'est pas forcément perceptible, les vrais amateurs de musique, eux, constatent une réelle dégradation. Nora Freys est une musicienne allemande vivant à Berlin. Pour elle, les nouveaux enregistrements ne rendent pas justice à toute la dimension du son. Le nouveau système d'enregistrement, de faire plusieurs traces et de ne pas enregistrer tous les instruments en même temps, ça fait que ça devient un peu stérile, puis le son reste un peu à la surface, tandis que le son du vinyle donne plusieurs niveaux de son, en fait, de chaque instrument. Condition d'y mettre le prix. Avec ce genre d'appareil, on peut se rendre compte, depuis son salon, du placement des musiciens dans un orchestre, par exemple. C'est ce que recherchent certains petits fabricants passionnés qui fabriquent des amplificateurs en utilisant de l'or ou de l'argent, afin de recréer un son le plus pur possible. Cette recherche de la qualité du son est la marque de fabrique de certaines radios, comme nous l'explique Christophe Rio. Il y a des radios même aux États-Unis qui précisent qu'ils ne font aucune compression. C'est-à-dire que le niveau sonore est peut-être un petit peu moindre, mais la qualité est supérieure. Et ils jouent là-dessus, leur publicité va dans ce sens. Cependant, de nouvelles perspectives s'ouvrent au son de haute qualité. Certaines salles de cinéma investissent dans l'équipement high-tech pour retransmettre des opéras ou des événements sportifs. La qualité du son fait alors toute la différence. Philippe Veidi, responsable adjoint de la post-production au siège de France Télévisions, nous explique ce phénomène. Il y a un domaine où ça risque de marcher vraiment très très fort. À la NHK, au Japon, ils ont un service de recherche et développement. Et ils font des expériences en ce moment de captation d'événements sportifs notamment, pour les rediffuser dans des salles encore mieux équipé que les salles de cinéma à leur hein, pour que les gens qui regardent par exemple un événement sportif soient vraiment au milieu de l'événement, au milieu de l'ambiance. Quoi. La BBC, en collaboration avec la NHK, le groupe audiovisuel public japonais, va d'ailleurs rediffuser certains événements des Jeux Olympiques de Londres en 2012 grâce à ce système. Il sera alors possible de vivre le spectacle comme dans les gradins. L'expérience sonore reviendrait-elle en force ? Eh bien, merci à Clémence de nous avoir préparé ce reportage. Elle n'est pas ici, malheureusement, pour pouvoir commenter davantage, mais c'est vrai que ce sont des nouvelles technologies. On va avoir hâte de les expérimenter. Aussi, j'avoue que de mon côté, ce questionnement sur la qualité du son, ça m'a fait penser